Donc, bonjour mes chers amis, et nous allons continuer ensemble notre étude de l'Évangile de Luc. Et aujourd'hui, on va voir ce qui est appelé communément le Magnificat de Marie ou le Cantique de Marie. Et nous allons voir ça au chapitre 1 de l'Évangile de Luc à partir du verset 46. Notre bon Père du ciel, nous allons essayer de comprendre ensemble par ton Esprit Saint qu'est-ce que Marie a dit devant Élisabeth. Comment a-t-elle exprimé ses pensées, son cœur, ses sentiments? Quel message nous a-t-elle laissé? Donc, aide-nous à comprendre, Seigneur, pour ta plus grande gloire, pas pour la gloire de Marie, on le sait bien, pour ta plus grande gloire à toi et la gloire de ton Fils Jésus. Amen. Donc, on continue notre rencontre d'hier. Vous savez, hier, Élisabeth et Marie se sont rencontrées et ils vont rester ensemble, selon le texte qu'on va voir. Ils vont rester ensemble quelques mois et pendant lesquels ils vont partager leur joie d'être mère, les deux, et que tous les deux sont des outils, Élisabeth et son fils, Marie et son fils, sont tous les deux des outils dans les mains de Dieu pour l'établissement du royaume de Dieu, l'établissement du roi, du Messie, qui va préparer un peuple pour son père. Hier, on a vu que Élisabeth, poussée par l'Esprit, a su que son enfant avait tressailli de joie dans son sein, et pas juste qu'elle a su qu'il avait tressailli de joie hein, ou d'allégresse, mais elle a su pourquoi. C'est que Marie était enceinte du Seigneur. Elle était enceinte du Messie. Après que Élisabeth ait terminé de dire ce qu'elle avait à dire, que tu es bénie entre toutes les femmes, ton enfant est béni, et les promesses qui t'ont été faites par Gabriel vont tous s'accomplir. Ton fils va devenir le roi d'Israël. Il va régner éternellement sur le trône de David. Ce matin, nous allons voir dans la même idée. Luc est encore en train de parler à Théophile. Luc est en train de vouloir convaincre Théophile que ce qu'il a entendu était vrai, était certain. Donc, nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, le texte qui est appelé « Cantique de Marie » dans ma Bible. Mais pourquoi est-ce que c'est appelé un cantique? Est-ce que Marie s'est mise à chanter? Je ne crois pas, personnellement. Mais le plus important, ce n'est pas la forme que ça a pris, mais le message. Lisons-le ensemble, si vous voulez bien. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Ici, Luc ne spécifie pas que Marie était remplie de l'Esprit, comme Élisabeth l'avait été, elle, dans sa part de la discussion avec Marie. Mais ici, ce que Marie va dire ne sort pas de la capacité humaine de penser, de raisonner. Hier, ce qui s'est vécu dans le sein d'Élisabeth et dans la capacité d'Élisabeth de savoir que Marie était enceinte du Seigneur, ça sortait de l'ordinaire, de la capacité humaine. Mais ce que Marie va dire, elle, ça, c'est la pensée d'une femme juive, une femme qui attendait l'arrivée du Messie, une femme qui sait que maintenant, l'enfant qu'elle porte est et va devenir le roi d'Israël pour l'éternité. Il va s'asseoir en tant que Messie sur le trône de David, promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc Marie va exprimer sa compréhension de ce qui se passe. Mais il faut faire attention, selon moi. Il faut faire attention que Marie, ici, ne parle pas de elle, mais de elle en tant que femme spéciale. Mais elle fait comme Élisabeth, un peu plus haut dans le chapitre. Elle sait qu'il y a une grâce qui avait été faite et son opprobre a été enlevé. Elle a parlé en tant que femme juive qui sait que maintenant son opprobre en tant que femme juive va lui être enlevé. Et si Marie, en tant que femme juive, qui sait qu'elle est la mère du Messie maintenant, qui sait que le Messie va prendre place dans quelques années comme roi d'Israël, elle ne parle pas de elle comme individu, mais elle en tant que faisant partie du peuple de Dieu. C'est pour ça qu'elle commence en parlant de elle, mais elle va terminer en parlant du peuple d'Israël, des promesses faites à Abraham. On le sait, ce mari n'est pas spécial. Marie est spéciale parce que Dieu l'a choisi pour porter l'enfant fils de Dieu, humain et homme. Homme et divin, je veux dire. Donc, automatiquement, Marie va se mettre à parler d'elle, mais pas elle en tant que personne seulement, mais elle en tant que faisant partie d'un groupe. Elle en tant que fille d'Israël. Elle dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Maintenant, elle sait que sa personne va être sauvée. Elle dit, « Mon âme exalte, se réjouit, est remplie de joie devant mon Dieu, mon Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Parce qu'elle sait qu'elle va être sauvée maintenant. Elle sait que Dieu s'en vient sauver Israël. Pas juste elle. Et on sait ça. On sait parce que Marie est comme les autres, elle a besoin d'être sauvée. Elle est une femme pécheresse comme tout le monde. Elle aussi a besoin, comme le reste du peuple, d'entendre Jean-Baptiste prêcher la repentance. Et elle aussi, elle a besoin d'être sauvée. Pas sauvée seulement physiquement des Romains, mais sauvée dans son âme. Sauvée dans sa moralité, dans sa spiritualité. Ce qui m'amène à penser ça, que c'est ça qu'elle pense elle aussi, c'est qu'elle dit au verset 48, « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit « parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante ». De quoi est-ce qu'elle parle par bassesse? Est-ce qu'elle parle de sa classe sociale? Je ne crois pas. Est-ce qu'elle parle de parce qu'elle est humble? Dans son tempérament, dans sa personnalité, dans son caractère, je ne crois pas. Elle vient de dire que Dieu est son sauveur. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Je pense qu'elle parle de son état moral. Elle parle de sa bassesse en tant que personne morale. Comme Élisabeth avait parlé de son opprobre, elle parle de sa bassesse. Elle sait qu'elle a besoin d'être sauvée. Elle sait qu'elle est dans un état de pécheur et qu'elle a besoin d'être sauvée par Dieu. Comme tout le reste du peuple d'Israël. Elle sait, en tant que juive, que c'est que s'ils sont dans l'esclavage, s'ils sont sous la domination romaine, c'est parce que le peuple s'est détourné de son Dieu. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Bienheureuse, pas parce que ils vont, toutes les générations de la terre vont exalter Marie, parce qu'elle était une super femme spéciale. Non, elle va être bienheureuse parce que le Sauveur est né. Le Sauveur arrive pour la sauver, elle et le peuple d'Israël. Le Sauveur vient des Juifs. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. De quoi est-ce qu'elle parle de grandes choses? Ce n'est pas pour elle personnellement que Dieu envoie le Messie, en elle. Elle n'est pas porteuse du Fils de Dieu à cause d'elle et juste pour elle. Hein? Mais elle est déclarée bienheureuse à cause des grandes choses que Dieu a faites pour elle et le peuple d'Israël. Dieu envoie le Messie qui va sauver le peuple de Dieu, qui va pardonner les péchés du peuple de Dieu. Souvenons-nous, Jésus va être précédé par Jean-Baptiste qui va appeler le peuple d'Israël à revenir à son Dieu. Parce qu'ils se sont éloignés de son Dieu. Marie fait partie de ce peuple-là. Il ne faut pas mettre Marie sur un piédestal et dire, mais elle est spéciale, elle n'a pas besoin comme les autres d'être sauvée. Ben non, elle vient juste de le dire au verset 47. En Dieu, mon Sauveur. Elle dit, son nom est saint, sa miséricorde s'étend dans un âge sur ceux qui le craignent. Donc Marie fait partie de ceux qui vont goûter la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu va intervenir dans le peuple d'Israël par sa puissance, dans sa sainteté, dans sa miséricorde. Il va intervenir sur ceux qui le craignent. Quels sont ceux qui le craignent? C'est ceux qui vont réagir à la prédication de Jean-Baptiste, qui vont se repentir et revenir à leur Dieu. Ici, ce n'est pas une crainte. Ceux qui ont peur que Dieu envoie la lèpre, ceux qui ont peur que Dieu envoie une tornade ou que Dieu envoie un autre déluge, ce n'est pas ça ici. Ceux qui le craignent, c'est ceux qui voient Dieu comme étant au-dessus d'eux, leur Seigneur, leur Créateur, leur Maître. Ce Dieu qui les a châtiés depuis des siècles, qui sont en esclavage, sous la domination des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Grecs et des Romains, ils sont sous la domination des empires, des nations, à cause de leur rébellion, à cause qu'ils n'ont pas craint Dieu. Mais ceux qui vont le craindre et qui vont revenir à lui, ils vont étendre sa main, sa miséricorde. Et c'est pour ça qu'il dit au verset il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants et de leur trône, et il a élevé les humbles. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu va rejeter, va anéantir, va disperser, va renverser ceux qui sont contre lui, ceux qui ne le craignent pas, toutes les nations qui l'ont rejeté, qui l'ont repoussé, tous ceux qui s'attaquent à Israël en tant que peuple de Dieu vont être repoussés et il va élever les humbles. Les humbles, c'est ceux qui le craignent. Les humbles, c'est ceux qui voient Dieu comme leur Créateur, leur Seigneur, qui vont voir Jésus comme leur roi, leur Messie, leur Sauveur. C'est eux autres les humbles. Les humbles ici, c'est pas ceux qui marchent la tête basse et qui s'habillent simplement et humblement. Non! Les humbles, c'est ceux qui reconnaissent leur état de péché et qui ont besoin d'être sauvés. C'est eux les humbles. Marie fait partie de ces humbles-là. Élisabeth fait partie de ces humbles-là. Zacharie fait partie de ces humbles-là. Et une multitude va faire partie de ces humbles-là qui savent qu'ils ont besoin d'être sauvés, qui voient leur bassesse, qui voient leur opprobre, qui voient qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Donc Dieu dit, il va anéantir les orgueilleux qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, qui ne veulent pas se repentir à la prédication de Jean-Baptiste, qui ne veulent pas l'avoir comme maître, qui ne veulent pas l'avoir comme créateur, comme seigneur, comme roi. Mais ceux qui sont humbles, il va les élever. Et verset 53 dit, « Il a rassasié de bien les affamés, il a envoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur. » C'est pour ça que je dis qu'elle ne parle pas de « elle ». Elle parle du peuple d'Israël. Dieu, par le fils qu'elle porte, et par Jean-Baptiste qu'Élisabeth porte, Dieu va sauver Israël, va secourir Israël, parce qu'il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Donc, elle dit, Dieu avait promis depuis Abraham la venue d'un sauveur qui était pour venir sauver Israël, qui était pour venir délivrer Israël de tous ses ennemis et préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur, un peuple d'hommes et de femmes dont Dieu va avoir enlevé le cœur de pierre et mis un cœur de chair, un peuple qui va servir Dieu. Donc Marie ici ne parle pas seulement de elle en tant qu'individu, mais elle parle de elle en tant que faisant partie d'un peuple. Elle dit Dieu, à travers Jean, ton fils Élisabeth, à travers mon fils qui est un homme et un Dieu en même temps, il va s'asseoir sur le trône de David, il va régner sur les nations du monde entier. Dieu l'avait promis et Dieu est en train de l'accomplir. Donc, voyez-vous, ce que Luc veut que Théophile comprenne, ce qui arrive à Élisabeth et à Marie, fait partie d'une histoire beaucoup plus grande. C'est l'histoire d'Israël. Dieu avait promis depuis des millénaires la venue d'un sauveur, la venue d'un roi qui était pour régner sur le monde entier. Sur toutes les nations. Pas juste sur Israël. Parce qu'Abraham, vous savez, avait dit... Dieu avait dit à Abraham, tu vas devenir le père de plusieurs nations. Et Jésus va devenir le roi de toutes les nations de la terre. Et des gens de toute la terre, de toutes les nations, vont se soumettre humblement à son règne, humblement à sa royauté. Ils vont décider de servir Dieu et de servir Jésus-Christ. Donc, cette rencontre-là, et une rencontre très spéciale de deux femmes. Comme je disais, deux femmes dans une maison bien simple. Le monde ne sait pas de ce qui se passe, mais ces deux femmes-là savent ce qui se passe. Jean va devenir celui qui va présenter le Messie, et le Messie va sauver un peuple bien disposé envers Dieu pour le servir pour l'éternité. Notre bon Père du ciel, merci. Merci de ces belles vérités. Merci que tu viens sauver ceux qui te craignent et ceux qui sont humbles. Ceux qui reconnaissent leur bassesse. Ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et ceux qui reconnaissent que toi, Dieu, tu as la puissance de le faire. Tu as la puissance d'accomplir toutes les prophéties faites à partir d'Adam jusqu'à Jésus. Donc, Seigneur, merci. Merci que notre foi est basée sur des événements historiques. Au nom de Jésus, Amen.